La garantie de l'impopularité ne m'incommode pas. J'ai une grande expérience de l'impopularité. Qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est les petits gars du lycée Gambetta. Enfin, ils s'appellent plus Gambetta. Et comment ils s'appellent? Lycée Che Guevara. C'est moi qui leur ai donné l'idée. M'étonne pas ça. Eh ben dites-leur de venir chercher des tomates. Et ils n'ont pas le temps, ils font la révolution. Quand il avait lu l'introduction à la philosophie de l'histoire, il avait le sentiment que j'étais à chaque instant inquiet de l'exactitude de la proposition ou de la formulation. Il avait le sentiment que je ne me laissais pas aller au développement philosophique tel que lui le concevait et tel qu'il a déployé ensuite de manière extraordinaire. Alors quand il m'a dit « tu as toujours peur de déconner », c'était un peu une réaction du tempérament de Sartre, un tempérament constipé, si on veut être désagréable, pour me qualifier moi-même. Le 14 mars 1905, dans une famille de la moyenne bourgeoisie intellectuelle, naît le petit Raymond, celui que certains, des années plus tard, une fois devenu le grand Aron, n'hésiteront pas à ranger dans la catégorie « réac de droite » ou plus gentiment, à critiquer pour son manque de laisser-aller. Difficile pourtant de taxer Aron de constipation, tant il a écrit, de l'histoire à la guerre, tant il s'est exprimé, sur le progrès ou la liberté, sans éviter les désaccords avec ses contemporains. Mais ses presque 40 livres, ses dizaines d'années de journalisme, ses polémiques sur le communisme totalitaire, mai 68 ou l'Algérie n'y changent rien, Raymond Aron garde cette image en creux, en deçà, passive et faussée, désengagée loin du fracassant Jean-Paul Sartre ou du pondéré Albert Camus. Mais alors que la radicalité et sa non moins conforme alliée aujourd'hui, la nuance, ont envahi le débat public, se trouve peut-être une autre voie, mais jugée, celle tracée par Raymond Aron, la modération. Coûte que coûte, au risque d'ailleurs d'être inclassable. Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas être immodérément modéré? C'est-à-dire en France, on dit normalement que je suis un homme de droite ou de droite modérée. Mais on dit souvent que je suis non classifiable. Ou comme disait un jour un président de la République, c'est-à-dire Pompidou, on ne peut jamais compter sur lui. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais prévoir avec certitude l'opinion qu'il exprimera sur une certaine situation. Bonjour Pierre Bourette. Bonjour Géraldine Massa-Savoie. Vous êtes philosophe et directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Diriez-vous que Raymond Aron est inclassable ou inclassifiable comme il le dit dans cette archive? Oui, tout à fait, à tout point de vue, à commencer par le point de vue professionnel, disons. Est-ce qu'il était sociologue? Est-ce qu'il était professeur? Est-ce qu'il était journaliste? Alors, il n'a jamais été journaliste au sens technique du terme, mais éditorialiste. Il a passé. On peut en reparler parce qu'en plus, ce terme, on en entend parler absolument. D'éditorialisme. Est-ce qu'il était sociologue? Est-ce qu'il était philosophe? Moi, je pense qu'il était au fond plus philosophe que sociologue, mais on va peut-être avoir le temps de le développer. Il était de droite, mais de quel type de droite? Il a quand même eu toujours des relations assez difficiles. On citait Georges Pompidou avec, même déjà avec De Gaulle et même déjà à Londres pendant la guerre. Oui, il est inclassable. Je me méfierais un tout petit peu de la notion de modération au fond. Parce qu'au fond, il était peut-être pas si modéré que cela. Parce qu'il savait prendre des positions d'engagement et d'engagement au fond. J'utiliserai pas le terme radical, mais enfin d'engagement très fort dans des contextes très difficiles. Son engagement pendant les années de la guerre froide, son engagement, par exemple, dans ce livre qui s'appelle L'opium des intellectuels, qui n'est pas un pamphlet, qui est un livre très profond, qui est un livre dont François Furet disait que c'était un livre à la fois de combat et de philosophie, qui est un livre de philosophie. Dans ces années-là, quand il défendait, par exemple, le pacte atlantique contre une partie de l'intelligentsia catholique de gauche, des gens comme Hubert Veuve-Méry, etc. Il n'était pas modéré au sens où modération veut dire, au fond, robinet d'eau tiède, au sens où modération veut dire qu'on est toujours à peu près au milieu de deux extrêmes, parce que c'est là que la position la plus confortable. Mais disons qu'il avait une manière d'avoir des positions tranchées, mais en le disant de manière modérée. Alors, la formule de Sartre qu'on entendait tout à l'heure, tu as toujours peur de dire des conneries. De déconner. De déconner. Sartre a raison, au fond. Je pense que ça résume probablement assez bien la posture intellectuelle et politique de Raymond Aron dans un siècle où tant de gens ont dit des sottises, à commencer par Sartre lui-même. Il y a une formule de François Furet que j'aime bien, où il parle de sa magistrature analytique. Je crois qu'effectivement, Raymond Aron, personne ne le contestera, a exercé une magistrature intellectuelle très puissante. Il a refusé la magistrature prophétique qu'incarnait Sartre, qu'ont incarné d'autres personnages de son temps. Mais il n'était pas non plus un moraliste. Il n'était pas non plus quelqu'un qui, au fond, défendait un point de vue moral, un peu tiède, un peu comme ça, de grand seigneur. Sa magistrature, c'était une magistrature analytique, c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé sur l'idée qu'il fallait commencer par analyser les réalités avant de tenir un discours sur ces réalités. C'est ce qui fait d'ailleurs sa force dans un domaine où on pourrait penser qu'au fond l'histoire est passée, qui est le domaine des relations internationales. Parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, bien sûr, mais les livres de Raymond Aron sur les relations internationales, ça doit quand même avoir un peu vieilli. Quand vous m'avez proposé de venir à cette émission il y a 10 jours, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans ma bibliothèque et de regarder les livres de Raymond Aron. D'abord, c'est énorme, c'est un maître linéaire de livres. Il y a presque 40 livres. Hein. J'ai sorti Paix et guerre entre les nations, qui est un livre que j'ai beaucoup utilisé, que j'ai beaucoup discuté, en me disant, mais au fond, ce livre, qu'est-ce que je vais découvrir? Je vais découvrir un livre peut-être qui est complètement passé d'époque. Eh bien, ouais. Pas du tout, parce que justement, reste à la fois la puissance analytique, le fait que Aron penser les objets qu'il pensait toujours avec une analyse historique qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait savoir ce que c'était que les grands équilibres européens au 19e siècle, comment tout ça a été bouleversé au 20e siècle, aurait toujours intérêt à aller lire ça. Et puis aussi, quelqu'un qui avait une position très précise en relations internationales, qui a aussi été fondée sur l'analyse. Il restait kantien, on a parlé ensemble il y a quelques semaines du projet de paix perpétuelle de Kant à propos de Habermas et Derrida autour du 11 septembre. Je pense que Aron restait kantien, continuait de penser que la paix perpétuelle c'était l'idée régulatrice de la vie entre les nations, entre les sociétés. Mais il était réaliste. Il pensait que l'analyse des faits disait que il faut attendre. On n'y est pas et il faut pas tout sacrifier à cet idéal de paix. C'est là qu'on verra des combats qui étaient déjà ces combats de l'avant-guerre contre les pacifistes, qui n'ont rien vu venir de ce qui se passait en Allemagne, et qui est resté son combat pendant les années de la guerre froide, où il disait qu'il fallait choisir son camp. Là aussi, en fonction de l'analyse plutôt que de l'idéologie. Donc, disons cela comme ça, Bierbouretz, modération chez Aron signifie ne pas s'engager coûte que coûte au nom de principes abstraits, mais vraiment être observateur de la réalité, mais aussi ne pas plaquer une forme de morale. Je vous propose d'écouter Aron sur sa jeunesse, ça nous permettra vraiment de rentrer un petit peu plus dans le personnage. C'est une archive du 23 juin 1969. Et oui, l'incontournable radioscopie de France Inter avec Jacques Chancel. On écoute Raymond Aron. Je déteste le « je ». Je suis comptable de mes actes et de mes opinions. Je suis né à Paris. Mon père était professeur de droit. Mon grand-père, que j'ai à peine connu, vendait des textiles. C'est donc typique, je suis d'une famille juive de Lorraine, ce qui signifie une famille où le patriotisme français est enraciné à un degré extraordinaire. Les grands-pères avaient transformé une petite affaire en une grande affaire. Mon père était déjà un intellectuel et n'avait aucune envie de gagner de l'argent, alors il l'a complètement perdu. Moi, j'ai été un élève de lycée, appliqué, studieux, le type même du bon élève. J'avais un extrême amour-propre et je tenais beaucoup à être le premier, ce qui est toujours un peu ridicule. Mais enfin, je dois le reconnaître, c'est vrai. Puis alors, il y a eu une autre passion dans ma jeunesse. C'est le tennis. Quand j'avais 15-16 ans, avant que je découvre la philosophie, mon désir passionné, c'était d'être un champion de tennis. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on a entendu jusqu'ici de Raymond Aron, c'est que finalement, on a entendu qu'il déconnait pas beaucoup, selon les termes de Sartre, alors peut-être en termes philosophiques et d'observateur de la vie politique, mais en tout cas, moi je trouve très agréable à écouter Raymond Aron. Il parle de sa passion pour le tennis, il parle de lui comme étant constipé, il se dit comme modéré de droite, inclassable, et ça le fait presque sourire. Finalement, le personnage Raymond Aron, qui a plutôt mauvaise presse, parce qu'on a tendance effectivement encore aujourd'hui à le classer à droite, de manière trop modérée, un petit peu creuse, finalement a plutôt un côté assez, je dirais pas badin non plus, mais finalement beaucoup plus souriant. Et on a là le portrait de quelqu'un qui est très clair sur ses origines, sur ce qu'il voulait faire déjà dès l'âge de 16 ans. Oui. Alors là, sur cette archive-là, il y a le génie de Jacques Chancel, il y a le génie oui. de radioscopie, de quelqu'un qui savait faire dire aux gens les plus réservés et qui étaient les plus réticents à parler de leur expérience personnelle, des choses personnelles. Bon, ce qu'il nous dit là, il le raconte au début de ses mémoires, avec d'ailleurs une dimension un peu douloureuse dans ses mémoires, parce qu'il a vis-à-vis de son père une forme un peu de... presque un peu de culpabilité, de volonté d'imitation en faisant mieux. Il y a aussi le personnage de son frère dont il parle, alors qui lui, je crois, était un meilleur tennisman que lui. Il y a aussi des choses un tout petit peu douloureuses. Ce qu'il nous raconte de très intéressant là, c'est évidemment la trajectoire d'une famille juive assimilée en France. Là, au bout du compte, il y a aussi des choses douloureuses. Hein. Là aussi, il y a sa position de français juif à Londres. Jean-Louis Missika et Dominique Volton dans le livre qui reste très, très intéressant, Le spectateur engagé, qui est un peu le brouillon de ses mémoires, le pousse un peu dans ses retranchements là-dessus. Il y a aussi, dans le bout d'archives qu'on vient d'entendre là, il y a aussi cette dimension-là qui a aussi une dimension douloureuse et qui se rejouera à certains moments de sa vie. Alors, ce qu'on entend aussi dans cette archive, donc, c'est effectivement comment il va se positionner par rapport à cette famille. Et au départ, il faut quand même le dire, Raymond Aron se dit de gauche à 16 ans en opposition à son père. Il est dans un pacifisme inconditionnel. Et puis, en 1924, il rentre à l'ENS. Là, c'est un personnage qui est sympathisant de gauche, tout en dénonçant, je cite, le catéchisme socialiste. Et dans un article qu'il a publié en 1926, ce que pense la jeunesse universitaire d'Europe, il dit que la gauche est attachée à des concepts, lutte des classes, dictature du prolétariat et capitalisme, comme s'il s'agissait de vérité éternelle et non de réalité complexe et changeante. On a quand même là déjà l'amorce du personnage de Aron, qui se dit sympathisant de gauche, est à la fois en opposition avec sa famille, mais en même temps cherche déjà à se trouver une destinée, ou plutôt cherche déjà en fait sa voie, et est déjà très critique à l'égard de la gauche, ce qui va être durant toute sa vie. Oui, il va être très critique à l'égard de ce qui était au fond sa famille de bon élève, comme il le dit. Bon élève qui va intégrer premier à la rue d'Ulm, qui va être premier à l'agrégation. Voilà. Il faut signaler dans le roman intellectuel des intellectuels de cette époque, Aron se caractérise par le fait qu'il vit pas du tout dans la mythologie de l'ENS. En gros, il nous raconte que l'ENS, il s'y est un petit peu ennuyé. Et le grand événement de sa vie, ça va être le départ en Allemagne et les années qu'il va passer en Allemagne. Ça, on va y revenir parce que je crois que c'est un moment séminal. Et oui, il nous raconte que bon, à la fois réaction contre son milieu familial et adhésion à sa génération, opposition de sa génération. Il est socialiste, il est pacifiste. Bon, le point important, hein, c'est que justement, il va refuser, c'est un peu déjà ce que j'esquissais tout à l'heure, le pacifisme au sens où un certain nombre de gens à gauche mettaient le pacifisme au-dessus de tout. C'est ce qui les conduira à une forme d'aveuglement dans les premières années de l'hitlérisme, et à ne pas voir le réarmement de l'Allemagne, à ne pas voir au fond la montée des périls. Mais là encore, tout ça va se jouer beaucoup autour de son voyage, de son séjour, pas un voyage, de son séjour de 3 ans, je crois, à peu près, en Allemagne. Eh bien, voilà, on y est à ce voyage en Allemagne, Pierre Bourette. Donc, après avoir été à l'ENS, il faut le citer quand même, avec des personnages comme Paul Nizan, oui. Georges Canguilhem, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Aron, reçu premier à l'agrégation de philosophie, s'ennuie un peu et est un petit peu tenté par de la philosophie des sciences et de la biologie. Et puis, finalement, comme tout bon élève de cette époque, parfaire, on peut dire, c'est humain. l'humanité en Allemagne. Ce sera donc un voyage de 3 ans. Et voilà ce qu'il en dit dans ce texte lu par François Raison. Le voyage en Allemagne m'a apporté tout ce que je n'avais pas trouvé en France. Principalement la philosophie de l'histoire et la pensée politique. L'Allemagne me donnait aussi la phénoménologie, c'est-à-dire une certaine manière d'approcher les sciences humaines. Il y a quelques années, j'ai été de nouveau saisi par l'espèce d'enthousiasme que j'avais connu dans ma jeunesse, en sortant de la France et en découvrant une autre culture, avec une langue philosophique. Lorsque je suis arrivé en Allemagne, j'ai d'abord été ébloui. Vous savez, la langue allemande est d'une souplesse exceptionnelle pour la philosophie. Aussi avons-nous toujours tendance à croire les philosophes allemands plus profonds qu'ils ne le sont. Il y a 2 langues pour la philosophie, l'allemand et le grec. Alors quand on commence à s'immerger dans la langue allemande, on se sent enrichi, avec le risque d'être noyé. Au début, j'ai pris tous les philosophes allemands pour grands. Cela n'a pas duré, mais j'en ai trouvé qui m'ont beaucoup appris. C'est chez Max Weber que j'ai trouvé ce que je cherchais. Un homme qui avait à la fois l'expérience de l'histoire, la compréhension de la politique, la volonté de la vérité, et, au point d'arriver, la décision et l'action. Or, la volonté de voir, de saisir la vérité, la réalité d'un côté, et de l'autre côté, agir. Ce sont, me semble-t-il, les 2 impératifs auxquels j'ai essayé d'obéir toute ma vie. Alors on vient d'entendre un extrait du Spectateur engagé, c'est les entretiens avec Jean-Louis Missika et Dominique Volton, donc Raymond Aron interprété ici par François Raison. Alors derrière le côté un petit peu anecdotique, on a l'impression en fait que Raymond Aron nous raconte sa jeunesse et son voyage en Allemagne, donc quand même de 3 ans, donc son séjour en Allemagne de 3 ans. Eh bien on a l'impression en fait de vraiment assister à un tournant incroyable dans la vie, dans la trajectoire d'un individu. Et effectivement, en fait, ce qui se joue pour Aron, là, c'est le choix de son orientation philosophique. Donc, il va plutôt du côté de l'histoire. Le choix d'une méthode aussi, philosophie, mais aussi sociologie. On voit quand même l'importance de Max Weber. Et puis, son ambition, double ambition, volonté de vérité et volonté d'action. Oui, alors, je crois qu'il y a énormément de choses qui se jouent là. Il y a énormément de choses dans la vie de Raymond Aron. Il y a énormément de choses dans la vie intellectuelle, dans un moment où se dessine une articulation qu'on voit peut-être pas toujours très bien en France entre deux variantes de voies des sciences humaines. Alors, ce qui est c'est amusant, ça, je disais tout à l'heure que le spectateur engagé, c'est un peu le brouillon des mémoires. Les pages dans les mémoires dans lesquelles Aron raconte ce même moment disent la même chose avec un tout petit peu d'ironie. À l'école, entendez l'école normale, j'étais encore étudiant, je n'avais pas encore rompu les amarres avec la famille, l'hexagone et les banalités universitaires. Il a une formule terrible contre le milieu intellectuel qui était celui de l'école normale à l'époque. Combien me paraissait hors du temps une sociologie destinée à fonder l'enseignement civique dans les écoles normales supérieures, dans les écoles normales d'instituteurs, face à la catastrophe qui mûrissait dans les Bierkeller, dans les caves à bière, et les Sportpalace, dans les palais des sports allemands. La formule est terrible parce qu'il nous dit au fond le durkheimisme qui sévissait à l'école normale avec des gens comme Célestin Bouglet, c'est un peu injuste probablement. Au fond, c'était rien, c'était une morale d'instituteur. Bon, alors, il faut quand même situer, Pierre Bourette, ce qui est Durkheim. Alors, oui, il faut situer qui est Durkheim, en l'occurrence. Bon, en France, c'est le fondateur de la sociologie. Et Aron, à l'époque, a connu à l'école normale la seconde génération, donc une génération des fondateurs des sciences sociales en France. Durkheim, alors les Durkheimiens de l'époque, s'appelaient Célestin Bouglet, il y avait aussi Marcel Mauss, etc. Bon, c'est la jeunesse des sciences sociales dans une version française. On continue un peu, à mon avis, un peu trop d'ailleurs, à raconter l'histoire des sciences sociales en France comme s'il n'y avait que cette branche-là. Ce qui est formidable chez Aron, c'est que, et il le raconte de manière extrêmement à la fois vivante et profonde dans le texte qu'on vient d'entendre lire et dans les mémoires, c'est que l'Allemagne, c'est une expérience absolument bouleversante. Là, il faut un tout petit peu recontextualiser. Oui, parce que c'est pas que philosophique et sociologique, c'est philosophique. Voilà. Le voyage en Allemagne dans les années fin des années 20, début des années 30, Aron n'est pas seul à l'avoir fait. C'était pas loin, c'était pas le bout du monde, l'Allemagne. Beaucoup d'écrivains, de journalistes, d'intellectuels, d'étudiants ont fait ce voyage. Qu'est-ce qu'ils y ont vu? D'abord, il y en a beaucoup qui n'ont rien vu, qui n'ont pas vu la République de Weimar en train de se décomposer, qui n'ont pas vu l'impact de la montée en puissance du nazisme, qui sont revenus en disant ben voilà, à Berlin, je n'ai rien vu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des gens qui voyaient dans la montée du nazisme quelque chose qui était une sorte d'aubaine. Les marxistes les plus dogmatiques, les communistes, analyser la montée du nazisme comme une aubaine, parce qu'au fond, pour eux, ça caractérisait une phase de décomposition accélérée de la bourgeoisie allemande, et que c'était finalement quelque chose qui allait accélérer la victoire du prolétariat. Aron est rentré d'Allemagne avec une conscience extrêmement aiguë de ce qui était en train de se passer, de la catastrophe qui était en train de se mettre en place. Bon, et puis, il y a la dimension intellectuelle. Ce qu'il raconte très bien, ça, sur le plan philosophique, il y avait deux choses à découvrir en Allemagne hein, dans ces toutes premières années 30. Il y avait d'un côté la phénoménologie, Husserl, la phénoménologie dans sa forme plus existentielle, Heidegger. Souvenons-nous de ce que racontent les gens qui ont entendu Heidegger. Là, l'exemple le plus beau, c'est l'exemple d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas raconte qu'il était à Davos. Il était dans cet endroit où s'est joué probablement, alors faut peut-être pas trop le mythifier, mais où s'est joué malgré tout un peu le destin de la philosophie contemporaine, mars 1929, combat au sommet entre le vieil Ernest Cassirer qui incarnait le néo-kantisme, l'héritage de Hermann Cohen, et puis ce Heidegger dont Lévinas ne peut pas s'empêcher de dire c'était un événement, on avait l'impression d'assister à un événement, à une révolution philosophique. C'est pas ça qu'a retenu essentiellement Aron. Aron a lu Husserl, Simone de Beauvoir raconte, si je me souviens oui. bien, que c'est lui qui a fait lire à Sartre Husserl et qui Husserl. Lui a dit c'est ça en c'est fait, ça qu'il faut la que phénoménologie. Tu voilà, la phénoménologie, et Sartre a pris ça en main, il s'est inscrit dans ce sillage-là. Non, ce qu'a découvert Aron, et ça je crois que c'est une découverte décisive pour lui, c'est effectivement la philosophie allemande de l'histoire. Et donc quand il dit j'ai été ébloui, les Français se laissaient éblouir par l'idée qu'il y a deux langues philosophiques, la langue allemande et le grec, ça c'est une idée de Heidegger. On sait que ça a eu en France une très longue durée, cette idée-là. C'est là qu'est né un heideggerianisme français qui est toute une partie de l'histoire de la philosophie française de l'après-guerre. Bon, Aron, non, a découvert autre chose. Ce qu'il a découvert, c'est ses auteurs qu'il analysera dans un livre qui reste, je crois, très très important, qui s'appelle « La philosophie critique de l'histoire », livre écrit en 1934-1935. C'est là qu'il est le premier à parler en France de Max Weber, mais aussi d'auteurs moins connus, malheureusement aujourd'hui, lui, comme Diltai, comme Rickert, c'est-à-dire ces gens qui, à l'intérieur de la tradition néo-kantienne, développaient une philosophie de l'histoire et une philosophie de l'action pour Max Weber, qui a été effectivement le modèle, au fond, de Raymond Aron. J'ai choisi un choix relativement difficile, c'est-à-dire essayer d'écrire de manière relativement scientifique sur les événements actuels et en même temps écrire sur les événements intellectuels sans être un spectateur détaché et sans être fanatique. C'est un philosophe qui a voulu répondre à des questions sur l'histoire et sur la société à partir de la connaissance des sciences sociales, et donc qui a fait énormément d'économie, qui a beaucoup travaillé Marx, et qui a fait de la sociologie, qui a fait des relations internationales, et c'est ça un petit peu son originalité parmi le courant philosophique, puisque très souvent les philosophes ne prennent pas la peine de connaître les résultats des sciences sociales pour avoir des choix ou des opinions philosophiques. Et ce qui a caractérisé Aron parmi les philosophes, c'est de vouloir répondre à des questions philosophiques à partir d'une connaissance rationnelle des sociétés contemporaines. France Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors on vient d'entendre la voix de Dominique Schnapper. Alors Dominique Schnapper, c'est la fille de Raymond Aron. Elle était au micro de Antoine Ravon qui est allé chez elle pour lui poser des questions sur son père, donc sur Raymond Aron, sur la place qu'il a occupée dans le champ intellectuel, sur la place qu'il a laissée aussi aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il occupe une place, on l'a vu avec cette expérience allemande, une place véritablement originale. Il le dit aussi d'ailleurs dans cette petite archive qu'on a entendue du 2 février 1980. Il est vraiment à chaque fois dans un choix qui est un choix d'entre deux. C'est-à-dire à la fois prendre dans les sciences sociales, mais aussi les interpréter de manière philosophique et inversement, et c'est la même chose pour être spectateur de la vie politique, c'est-à-dire être spectateur de la vie politique, mais quand même se servir de la philosophie. Et à chaque fois, le point commun, c'est la philosophie, et il ne faut pas renoncer à se dire que Raymond Aron a beau être observateur de la vie politique, a beau se servir des thèses de Max Weber et de sa méthode, Raymond Aron reste un philosophe qui a voulu analyser les concepts politiques de philosophie politique en se servant à la fois des sciences sociales et de ce qu'il voyait empiriquement. Oui, alors on ne peut pas mieux dire que ce que vient de dire Dominique Schnapper. Alors malheureusement, elle n'est pas là. Au fond, elle aurait été presque mieux que moi hein, ce matin où on aurait pu être, ensemble. Alors dialogue à distance si elle m'entend. Moi, au fond, je dirais que Raymond Aron était fondamentalement philosophe. Et moi, au fond, je l'ai toujours lu comme philosophe. Moi, j'ai fait ma thèse et mon premier livre sur Max Weber et ma lecture de Weber était une lecture aronienne parmi dans le champ des interprétations de l'œuvre d'Aron, de l'œuvre de Max Weber. Pourquoi? Parce que je pense que Aron a toujours ensuite placé Max Weber dans des généalogies de la sociologie ou des sciences sociales, mais il le lisait fondamentalement comme un philosophe, avec des problèmes de philosophe, avec en particulier le problème de la philosophie de l'histoire et le problème de la philosophie de l'action. Donc moi, ça, ce sont vraiment ces deux courants. Moi, je crois que ce sont effectivement les deux courants d'un Raymond Aron dont je dirais pas qu'il était dans l'entre-deux, qu'il était plutôt toujours dans l'articulation entre les choses, pas au milieu dans l'articulation entre les choses. Mais prenons un exemple sur les grands penseurs du 19e siècle. Je pense que Aron connaissait Marx beaucoup mieux que beaucoup de marxistes de son époque et il a introduit ou réintroduit Tocqueville. Bon, je pense que Françoise Mélonio viendra en parler demain. Ouais. Donc, mais moi, je lancerai bien l'idée à Françoise Mélonio qu'au fond, le Tocqueville de Raymond Aron, et Dieu sait qu'on doit à Raymond Aron la redécouverte de Tocqueville, le Tocqueville de Raymond Aron, c'est plus encore que le Tocqueville libéral politique, l'alter ego de Benjamin Constant, ce qu'il est, mais c'est aussi un Tocqueville qu'il mettait en confrontation avec Marx. C'était un Tocqueville qui était un historien des sociétés démocratiques, qui était un formidable analyste, justement, de la société démocratique. Je pense que Aron lisait probablement Tocqueville davantage en lien avec Marx que en lien avec le libéralisme français du 19e siècle, Benjamin Constant, Rémusat ou des gens comme ça. Donc là encore, c'est pas l'entre-deux, c'est vraiment l'articulation entre les deux. Une fois encore, Aron, je pense, connaissait Marx beaucoup mieux que beaucoup de marxistes de son époque. J'irais peut-être pas jusqu'à dire qu'il le connaissait mieux qu'Althusser. Je laisserai ça à des gens qui connaissent mieux Althusser que moi. Mais enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il avait une connaissance intime, profonde, résultat d'une lecture patiente et endurante de Marx, extrême, et qu'il ne se privait pas d'utiliser ce qui lui paraissait valable dans la compréhension marxiste de l'économie moderne, de la société de classe, etc. Donc, une fois encore, peut-être pas tout à fait un entre-deux, mais une capacité à prendre dans les grandes théories sociales du 19e et du premier tiers du 20e siècle, ce qui lui permettait de construire sa propre philosophie de l'histoire, sa propre philosophie de l'action, et au bout du compte, pour moi, Aron reste avant tout un philosophe et quelqu'un, et c'est là que reste très important ses livres, ses trois premiers livres, ses livres de philosophie de l'histoire, à commencer par La philosophie critique de l'histoire, qui est un livre, quand même, une fois encore, écrit en 1934-1935, à un moment où en France, pratiquement personne n'avait entendu parler de ces auteurs. Et je crois aussi que sa philosophie de l'action à lui est inspirée de celle de Max Weber. Avec y compris la tension, la passion pour l'action et en même temps une réticence probablement vis-à-vis de l'action. Mais alors, que lui a permis véritablement la lecture de Max Weber? Parce qu'on l'a opposé à Émile Durkheim, donc il avait une vision beaucoup plus, on va dire, sociale, collective, mécaniste des rapports sociaux, alors que Max Weber va introduire une forme aussi de probabilité, d'indétermination, peut-être plus de place aux individus. Est-ce que c'est ça qui a véritablement plu à Raymond Aron dans la lecture de Max Weber et où il s'est dit, c'est aussi ça que manque la philosophie, à savoir une dimension aussi d'imprévisibilité, d'incertitude pour penser à la fois l'histoire et aussi l'action? Oui, je crois, disons-le clairement, je crois que Aron n'a pas adhéré dans la théorie de Durkheim à l'idée qui était une théorie qui était adossée au XIXe siècle sur, avec des révisions, mais malgré tout sur la philosophie d'Auguste Comte, etc. Je crois qu'Aron n'a pas adhérer, c'est en ça qu'au fond, à mon avis, il n'est pas vraiment sociologue, ou en tout cas pas sociologue au sens de cette tradition-là, à l'idée que la sociologie ou les sciences sociales en général sont une recherche des lois du fonctionnement de la société qui ressemblerait, approximerait les sciences de la nature. C'est pour ça, par exemple, qu'il s'est intéressé à ce point à des gens comme Diltai ou Rickert qui partaient justement d'une thématisation de la différence entre sciences sociales et sciences de la nature. Donc je dirais que Aron n'a jamais adhéré à l'idée que les sciences sociales auraient comme idéal le fait de donner des descriptions causales, des descriptions selon des lois de la nature. Qu'est-ce qu'il a trouvé chez Max Weber? Bah, écoutez, je peux vous lire ce qu'il en dit dans, là encore, dans les mémoires, le passage que j'évoquais déjà tout à l'heure. Ce qui m'éblouissait chez Max Weber, c'était une vision de l'histoire universelle, la mise en lumière de l'originalité de la science moderne et une réflexion sur la condition historique ou politique de l'homme. En lisant Max Weber, j'entendais les rumeurs, les craquements de notre civilisation, les voix des prophètes juifs et en écho dérisoire, les hurlements du Führer. En réalité, je suis essentiellement un anti-révolutionnaire, car comme beaucoup d'hommes de ma génération, comme beaucoup d'hommes du XXe siècle, comme Solzhenitsyn, je crois, après l'expérience de tant de révolutions, que les révolutions coûtent très cher et finalement causent plus de mal que de bien, et que rares sont les circonstances où la violence révolutionnaire guérit les maux qu'elle veut guérir. Elle élimine certains maux, elle en cause d'autres. Ce qui, chez moi, est, me semble-t-il, fondamental, c'est l'anti-totalitarisme, l'anti-révolution, les deux plus ou moins liés, et tout cela remonte à mon expérience allemande, entre 1931 et 1933, quand j'ai vu monter au pouvoir le national-socialisme, lorsque j'ai assisté au déchaînement des passions et de la violence, et lorsque j'ai prévu la guerre qui allait venir. Les intellectuels s'inquiètent autant de l'efficacité que de l'équité de leurs propos. Faut-il ou non révéler les camps de concentration soviétiques à un moment où l'occupation américaine paraît aux mandarins le péril majeur? Il n'en va pas autrement de l'autre côté de la barricade. Les anticommunistes, à leur tour, sacrifient tout aux nécessités du combat. Pas plus que les simples mortels, les intellectuels ne se libèrent de la logique des passions. Au contraire, ils sont plus avides de justification parce qu'ils veulent réduire en eux la part d'inconscience. La justification politique est toujours guettée par le manichéisme. Où sont les traîtres? À cette interrogation, je ne réponds ici que pour moi-même. L'intellectuel qui attache du prix à l'organisation raisonnable de la cité ne se contentera pas de marquer les coups, de mettre sa signature au bas de tous les manifestes contre toutes les injustices. Bien qu'il tâche de troubler la bonne conscience de tous les partis, il s'engagera en faveur de celui qui lui paraît offrir sa meilleure chance à l'homme. Choix historique qui comporte les risques d'erreur inséparables de la condition historique. L'intellectuel ne refuse pas l'engagement. Et le jour où il participe à l'action, il en accepte la dureté. Mais il s'efforce de n'oublier jamais ni les arguments de l'adversaire, ni l'incertitude de l'avenir, ni les torts de ses amis, ni la fraternité secrète des combattants. C'était un extrait de L'Opium des intellectuels, chapitre 9, Les intellectuels en quête d'une religion, un texte évidemment de Raymond Aron, interprété ici par François Raison. Et puis on a entendu juste avant la voix de Raymond Aron, anti-révolutionnaire et anti-totalitaire. C'est une archive du 12 décembre 1975. Avec cette archive et ce texte, Pierre Bourouette, on a la question incontournable qu'on se pose dès lors qu'on entre dans la pensée de Raymond Aron, c'est: comment être à la fois dans l'engagement et en même temps dans un engagement qui se situe toujours de manière anti-révolutionnaire, anti-totalitaire? C'est ce qu'on a reproché à Aron, à savoir en fait d'être toujours dans l'opposition et de cette manière-là en fait de se tenir en retrait d'un engagement qui soit clair et positif. Alors, commençons par le premier point. Aron lui-même dit « j'ai toujours été un anti-révolutionnaire ». Sur ce point, j'aurais envie d'esquisser une comparaison que vous pouvez peut-être attendre de ma part avec Hannah Arendt. Parce que, au fond, ils ont été un peu perçus, en tout cas dans la deuxième moitié de leur vie, ils sont exactement contemporains. Tous les deux, comme des penseurs réactionnaires parce que anticommunistes, l'intelligentsia de gauche américaine dénonçait les origines du totalitarisme comme un livre entre guillemets de guerre froide. Je pense que la même intelligentsia reprocherait à un certain nombre de livres de Raymond Aron d'être aussi des livres de guerre froide, des livres écrits pour défendre, disons, le point de vue américain et en termes péjoratifs, le point de vue de l'impérialisme, etc., dans le contexte de la guerre froide. Cependant, il y aurait une grande différence entre Aron et Arendt, c'est que Arendt, en dépit d'un anticommunisme intellectuel et politique aussi constant et profond que celui de Raymond Aron, gardait malgré tout quelque part un petit peu de l'espérance révolutionnaire. Il y a un événement qui a, le seul événement politique de son époque qui est enthousiasmé Arendt presque jusqu'à limite du raisonnable de l'enthousiasme, c'est la révolution hongroise. Parce que malgré tout, Arendt gardait quelque chose qu'on retrouve peut-être chez des intellectuels français sous une forme atténuée, qu'on retrouvait chez quelqu'un comme Claude Lefort, par exemple, de malgré tout garder quelque chose de l'idéal de la révolution en espérant, en continuant d'espérer en une révolution démocratique, une révolution qui produirait la liberté sans casser les œufs, sans violence. Bon, Aron non, effectivement, il le dit lui-même. Puis il dit très clairement que pour lui, la révolution, ça fait du mal. La révolution, ça fait du mal, voilà. C'est pas possible de penser une révolution sympathique. Exactement. Donc ça, ce point-là, il est très important. Là, il le caractérise très précisément, y compris au sein de cette famille de gens qui venaient de la gauche et qui, par certains côtés, restaient de gauche, mais qui étaient intransigeants sur la critique du totalitarisme, la critique du stalinisme. Bien. Alors maintenant, le texte qui a été lu de L'Opium des intellectuels. Une fois encore, ce livre, c'est un livre qu'on peut encore lire aujourd'hui, qu'il faut encore lire aujourd'hui. C'est pour ça que je citais tout à l'heure François Furet qui disait « c'était un livre de combat et un livre de philosophie ». Aujourd'hui, on risque de penser que c'était un livre de combat. Bon, déjà, le jeu de mots sur le titre, l'opium des intellectuels, c'est inspiré de la formule de Marx sur la religion opium du peuple. C'était un livre de combat, c'était un livre effectivement dans lequel il y avait affaire pour dénoncer, pour critiquer la posture d'un certain nombre d'intellectuels français, pas seulement son petit camarade Sartre, il y en avait quand même beaucoup, et c'était plutôt lui qui était en position minoritaire, mais c'est aussi un livre de philosophie, parce que c'est un livre qui est porté justement par une réflexion sur l'action, les paradoxes de l'action, les contradictions de l'action. Toujours dans le même texte, François Furet disait à propos d'Aron, il avait une passion brûlante pour l'événement et un éloignement presque instinctif vis-à-vis de l'action. En ça, il était très proche encore de Max Weber. C'est-à-dire quelqu'un qui est un extraordinaire analyste de la société, un penseur de l'histoire, un philosophe de l'histoire, qui est tenté par l'action, parce que à être le spectateur engagé de son époque, il y a bien des moments où on doit être tenté de se lancer dans l'action, mais je pense que Furet avait raison en disant qu'il en avait probablement une méfiance instinctive. J'imagine, mais ça c'est probablement à Dominique Schnapper qu'il faudrait poser la question, qu'il lui a bien été proposé à un moment ou à un autre, ou on aurait pu lui proposer à un moment ou à un autre, s'il avait été un peu plus bienveillant, peut-être avec De Gaulle ou avec Pompidou, de s'engager dans l'action. Pour dire les choses concrètement, ils n'ont pas été, Aron aurait pu être ministre de l'éducation ou quelque chose mais comme il ça. Il a eu, d'ailleurs, il a été au cabinet de Malraux, il a été conseiller au cabinet de Malraux. Il a eu quelques fonctions de conseiller, mais il n'a pas vraiment fait, justement, il n'a pas été Malraux. Je pense que s'il en avait eu vraiment envie, il aurait probablement pu le faire, mais il y avait chez lui probablement une conscience trop puissante des paradoxes de l'action, des contradictions de l'action, une fois encore en cela un peu comme Max Weber, qui le retenait. Il utilisait aussi cette formule à propos des intellectuels, le choix entre être le confident de la Providence ou le conseiller du prince. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Donc ça veut dire que d'un côté, soit en fait on est le conseiller du prince, on va être du côté donc de l'action et du côté sorte de connivence en fait avec les hommes politiques. Et de l'autre, ça veut dire qu'on est dans la position inverse. Ça veut dire quoi d'être du côté des confidents de la Providence, du côté des grands principes qui vont s'imposer. Confident, je pense que quand il parle de confident de la Providence, il le commande comme ça lui-même. L'homme politique, le marxiste par excellence, prétend connaître l'avenir. Il prend des décisions politiques en fonction d'une évolution historique qu'il croit prévoir et maîtriser. Ça, je crois que il faut là faire un petit effort, en particulier probablement pour les auditeurs les plus jeunes, pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, ces intellectuels qui se considéraient comme confidents de la Providence. C'est-à-dire des intellectuels qui pensaient que on pouvait comprendre et changer le monde parce que on avait les lois du changement du monde, les lois justement de ce que Hannah Arendt appelle l'idéologie au sens très précis du terme, au sens où une idéologie c'est la logique d'une idée. À son époque, en France en particulier, parce que ça c'est aussi un caractère français, il y a aussi une mythologie française de l'intellectuel. Il y a un roman, une partie du roman national français où il y a l'intellectuel, une figure qui commence avec Zola au moment de l'affaire Dreyfus, qui passe par Sartre, et puis qui irait jusqu'à Foucault, ou peut-être le dernier Pierre Bourdieu, et puis d'aucuns se lamentent aujourd'hui sur la disparition des intellectuels, parce que justement il n'y aurait plus cette figure-là de l'intellectuel, c'est-à-dire cet intellectuel à qui l'histoire susurre à l'oreille que c'est ça qui est en train de se passer, qu'il y a un avenir radieux qui est en train de se dessiner. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on ne l'a pas encore dit Pierre Bourette, mais en 1955, au moment de l'apparition de l'opium des intellectuels, Aron, en fait, travaille au Figaro depuis 1947. C'est vraiment, il a à la fois un travail de professeur, il enseigne à l'ENA, à Sciences Po, après il enseignera dans d'autres universités, il va avoir des chaires de sociologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il a quand même cette activité de journaliste et d'éditorialiste, presque, j'ose dire, de polémiste à certains moments. Et ça, c'est aussi une grande figure qu'on connaît en France de l'intellectuel, dont on n'arrête pas de nous parler en ce moment, qui est l'intellectuel, alors parfois on dit expert aussi, bon là c'est pour un côté beaucoup plus technocratique, mais qui vient se prononcer sur des sujets d'actualité, qui vient commenter l'actualité. Finalement, Aron a inauguré aussi cette grande figure de l'intellectuel éditorialiste. Alors, Là encore, pour essayer de dire les choses avec la précision qu'il faut, s'agissant d'un personnage comme Aron, dont il rappelait lui-même qu'il était un personnage complexe à identifier. Bon, les intellectuels confidents de la Providence, on voit bien ce à quoi ils pensaient, les intellectuels marxistes. Bon, quand il dit le conseiller du prince, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Le conseiller du prince, on entendrait, au fond, oui, l'intellectuel qui est dans un cabinet ministériel, etc. Quand il dit conseiller du prince, c'est pas tout à fait ça, parce que lui l'a été peut-être quelques mois à un moment de sa vie. Mais effectivement, dans sa position, une fois encore pas tant de journaliste que d'éditorialiste au Figaro, il était dans une position où, là encore, je pense que la caractéristique, c'était offrir une analyse, au fond, empirique des situations pour éclairer l'action, mais l'action étant laissée aux hommes d'action. C'est particulièrement typique s'agissant des relations internationales. Aaron, je crois, là, sa grande contribution, ça a été justement d'être quelqu'un qui essayait d'éclairer la complexité des relations internationales à son époque à partir de faits, à partir d'analyses, et non pas justement à partir de la vision simpliste de l'opposition entre deux camps. C'est là où il distingue d'une figure de l'éditorialiste aujourd'hui, par exemple ? Parce que là, il y a vraiment un philosophe qui apporte de l'analyse. Oui, alors vous savez, là-dessus, il y a un propos qui est prêté à De Gaulle, qui est une extraordinaire méchanceté. Je crois que Nicolas Bavrès, dans sa biographie de Raymond Aron, dit qu'il est peut-être apocryphe. De Gaulle aurait dit, ou en tout cas on aurait dit de Raymond Aron, il est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro. Bon, c'est méchant et c'est faux, au fond, parce que d'abord, ses cours au Collège de France, c'est pas du journalisme, c'est vraiment c'est son savoir intellectuel qu'il enseignait. Et puis, oui, il avait peut-être au Figaro une posture un peu professorale, mais là encore, je reprendrai volontiers la formule de François Furet, magistrature analytique. Et là encore, ça se distingue à la fois évidemment de l'intellectuel prophétique, de l'intellectuel qui entend de l'intellectuel disons sartrien, parce que c'est ça l'engagement à la Sartre. C'est juste parce que j'essaye toujours un peu de casser l'opposition, la vie intellectuelle et politique française, c'est pas joué complètement pendant un demi-siècle autour de l'opposition des deux petits camarades qui s'étaient beaucoup aimés. Non, il y a eu aussi Sartre, Camus. Mais en tout cas, oui, effectivement, le symbole, c'est Jean-Paul Sartre, mais Aron n'était pas non plus un moraliste. Aron s'est beaucoup battu contre des gens qui étaient un peu comme lui, beaucoup plus oubliés aujourd'hui que lui, mais qui étaient aussi de grands universitaires, qui se sont un peu mêlés de penser la politique et qui ont défendu des positions qui lui allaient pas. Il y a quelqu'un qui s'appelle Étienne Gilson, qui était un immense savant, des meilleurs historiens et qu'on peut encore lire aujourd'hui comme tel, de la philosophie médiévale. J'ai envie de dire, le pauvre Gilson s'était risqué au moment de la signature du pacte atlantique, donc en 1949, qui a conduit à la création de l'OTAN, à défendre une position qui était celle du journal Le Monde, par exemple, qui était la position de la troisième voie, la position neutraliste, c'est-à-dire des gens qui étaient effectivement, eux aussi, des professeurs, et puis qui commentaient plutôt dans Le Monde, alors que Aron écrivait dans Le Figaro, en essayant de dire, ni l'URSS stalinienne, ni les États-Unis impérialistes. Troisième voie, troisième neutralisme. Bon, ça, je pense que Aron avait une méfiance instinctive vis-à-vis de ça, qui lui venait du pacifisme des années 30, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas vu venir la catastrophe hitlérienne au nom justement du pacifisme. Je crois que c'est ça qu'il avait à l'esprit quand il combattait ce neutralisme. L'opium des intellectuels, c'est un livre qui vient tout de suite après ça, dans lequel justement, là, il défend l'engagement. Là, il défend l'engagement contre la neutralité. Et alors, je vais quand même, malgré tout, je sais que ça va vous embêter, Pierre Bourette, mais on va quand même entendre et Sartre et Aron, parce qu'il faut quand même les entendre. Non, ça m'embête pas du tout. C'est que il ne faut veux pas polariser la vie intellectuelle du XXe siècle autour de ces deux figures, mais je rappelle quand même qu'il y avait aussi Camus, dont on entend beaucoup parler aussi ces derniers temps. Et donc, évidemment, c'est autour de mai 68, et ça va nous permettre, Pierre Bourette, pendant les dernières minutes qui nous restent, d'évoquer justement cette notion d'engagement et aussi la part d'idéologie irréductible qu'il y a peut-être dans l'engagement. Que ce professeur, intelligent, instruit, ne tienne compte de mai 68 que comme il l'a fait, montre une limite à son intelligence et à sa connaissance. Il n'a pas compris ce qui se passait là. Il était quand même un professeur, je n'avais pas ses idées, mais quand j'ai vu ce qu'il pensait des élèves qu'il avait eus, et qu'il avait contesté comme il avait contesté le système de la Sorbonne tout entier, je pensais qu'il n'avait jamais rien compris à des élèves auxquels il parlait. Je n'aimais pas dans l'ensemble ce que j'appelle la fête révolutionnaire. Je n'ai rien écrit de très vif contre les étudiants, parce que j'ai toujours bien aimé les étudiants. Je n'ai pas aimé l'admiration qu'un grand nombre d'adultes ont manifestée pour les exploits de la jeunesse. Je trouvais parfaitement légitime que ces jeunes aient le sentiment de transformer le monde alors qu'ils se bornaient à une espèce d'immense fête de fraternité lyrique, telle qu'on en a connue en 1848 et en d'autres circonstances. Je pardonne le plus difficilement au professeur qui, ayant pendant des années refusé toutes les réformes, alors que pendant 10 ans je ne cessais de dire qu'il fallait réformer, se sont découvert tout d'un coup une vocation révolutionnaire, quand la vocation révolutionnaire était la meilleure façon d'éviter les difficultés avec les étudiants. Et la dernière fois que j'ai parlé à l'Assemblée de la Sorbonne, au mois de décembre, puisque j'ai quitté la Sorbonne au mois de janvier, j'ai parlé pour la première fois au moins 3 quarts d'heure, en leur disant que la situation actuelle était impossible et qu'on allait vers des troubles évidents si l'on se refusait à prendre l'une ou l'autre des mesures concevables. Alors quelqu'un m'a dit que j'étais futuriste, que j'anticipais sur l'avenir. L'avenir, c'était 6 mois plus tard, même pas, 4 mois plus tard. Alors c'est une archive du 1er janvier 1975, Jean-Paul Sartre, critique de Aron, puis Aron, critique plutôt de mai 68, c'était en 69 dans Radioscopie, donc de Jacques Chancel sur France Inter. Alors on a entendu 2 visions de mai 68, mais plus largement il va nous rester 2 minutes pour l'aborder, Pierre Bourrette. Cette question de l'engagement où Sartre a défendu l'engagement coûte que coûte, Aron aussi, mais d'une autre manière, avec, comme on l'a entendu dans le texte, avec une part d'incertitude, avec faire la place aux arguments de l'adversaire, faire la place à la fraternité secrète des combattants. Mais finalement, est-ce que l'engagement de Aron était si différent de celui de Sartre que ça, puisque sur le fond, évidemment, il était différent, mais lui aussi, en fait, avait une idée à faire passer, lui aussi avait une idéologie à défendre. Oui, donc retenons que engagement ne voulait pas dire engagement à gauche ou à l'extrême gauche dans la vie intellectuelle et politique française, qui avait aussi, Aron était quelqu'un d'engagé. Alors s'il nous reste vraiment une minute concluons, là, c'est bon. Concluons sur une image. Alors une image, c'est pas très radiophonique, mais malgré tout, très belle image, 1979, Sartre, Aron qui se serre la main en souriant avec André Glucksmann en position d'ange les protégeant, un bateau pour le Vietnam. Voilà. C'est les in fine, les deux petits camarades se sont retrouvés dans un engagement commun qui était plutôt quand même une défaite de Sartre, parce que c'était reconnaître qu'un régime communiste laissait ses ressortissants partir et se noyer sur des bateaux. Au bout du compte, ils se sont retrouvés dans un engagement commun. Les deux petits camarades, presque pas tout à fait à la fin de leur vie, mais ayant quand même accompli une grande partie de leur vie, ils se sont retrouvés. Et là, on voit qu'effectivement, ils étaient tous les deux engagés pendant presque toute leur vie avec des options opposées. Et là, ils se retrouvaient dans un engagement commun qui a donné naissance, au fond, à la dernière grande et belle aventure du XXe siècle, qui a été ce qu'on appelle l'humanitaire. Merci beaucoup Pierre Bourrette de nous avoir présenté la pensée, un petit peu de la trajectoire de Raymond Aron dont on va parler toute cette semaine de toute façon. Donc de vous on peut lire La raison ou les dieux, c'est paru aux éditions Gallimard en février 2021, c'est sur Dante si je ne me trompe pas. Non, c'est pas sur Dante, c'est sur la philosophie de la fin de l'Antiquité, de l'Antiquité tardive. Et vous parlez de Dante aussi si je ne me trompe pas. Je m'y intéresse plutôt maintenant pour le livre que je suis en train de préparer qui sera sur la Renaissance. Ah voilà, donc c'est à venir et on vous invitera sur ce sujet. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'Un ton guerrier en philosophie, Habermas, Derrida & Co, c'est aux éditions Gallimard. Et puis je signale aussi pour les auditeurs et auditrices la très bonne introduction à l'œuvre de Raymond Aron de Gwendal Chaton aux éditions La Découverte, et bien qui s'intitule justement Introduction à Raymond Aron. Mais université, c'était pas Jussieu, c'était pas Sancier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des comme des brouille-toi, des comme des merde-toi, pour trouver de quoi bouffer et te réchauffer. C'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer. Mais université, t'avais pas de diplôme, mais t'étais un homme quand tu en sortais. Nous, quand on contestait, c'était contre les casqués qui défilaient sur nos Champs-Élysées. Quand on écoute